C'est le matin d'un jour d'été. Les enfants de Nicolas viennent à leur père en chantant. Mes enfants, voici les tâches de la journée. Rudy, les cochons. Walter, les vaches. Heini, à Stanz avec le char. Dorothée et Marguerite, aux pommes. Catherine et Véronique, à la cuisine. À 6 heures, tout le monde ici.